Mon maître, je ne suis pas de cette force-là. Je m'acheminais cas un cas, et puisqu'il faut vous l'avouer, regrettant mes deux gros écus, qui n'en étaient pas moins donnés, et gâtant par mon regret l'œuvre que j'avais faite. J'étais à une égale distance des deux villages, et le jour était tout à fait tombé, lorsque trois bandits sortent d'entre les broussailles qui bordaient le chemin, se jettent sur moi, me renversent à terre, me fouillent, et sont étonnés de me trouver aussi peu d'argent que j'en avais. Ils avaient compté sur de meilleures proies. Témoin de l'aumône que j'avais faite au village, ils avaient imaginé que celui qui peut se dessaisir aussi lestement d'un demi-louis devait en avoir encore une vingtaine. Dans la rage de voir leur espérance trompée et de s'être exposé à avoir les os brisés sur un échafaud pour une poignée de sous marqués, si je les dénonçais, si j'étais pris et que je les reconnusse, ils balancèrent un moment s'ils ne m'assassineraient pas. Heureusement, ils entendirent du bruit. Ils s'enfuirent et j'en fus quitte pour quelques contusions que je me fis en tombant et que je reçus tandis qu'on me volait. Les bandits éloignés, je me retirai. Je regagnai le village comme je pus. J'y arrivai à 2 heures de nuit, pâle, défait, la douleur de mon genou fort accrue et souffrant en différents endroits des coups que j'avais remboursés. Le docteur, mon maître, qu'avez-vous? Vous serrez les dents? Vous vous agitez comme si vous étiez en présence d'un ennemi? J'y suis, en effet, j'ai l'épée à la main. Je fonce sur tes voleurs et je te venge. Dis-moi comment celui qui a écrit le grand rouleau a pu écrire que telle serait la récompense d'une action généreuse. Pourquoi moi, qui ne suis qu'un misérable composé de défauts, je prends ta défense, tandis que lui, qui t'a vu tranquillement attaqué, renversé, maltraité, foulé aux pieds, lui qu'on dit être l'assemblage de toute perfection. Mon maître, paix, paix, ce que vous dites là sent le fagot en diable. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde s'il n'y a personne autour de nous qui vous ait entendu. Le docteur me tâta le pouls et me trouva de la fièvre. Je me couchai sans parler de mon aventure, rêvant sur mon grabat, ayant affaire à deux âmes. Dieu, quelles âmes! N'ayant pas le sou, et pas le moindre doute que le lendemain, à mon réveil, on exigea le prix dont nous étions convenus par jour. En cet endroit, le maître jeta ses bras autour du cou de son valet en s'écriant « Mon pauvre Jacques, que vas-tu faire? Que vas-tu devenir? Ta position m'effraie. Mon maître, rassurez-vous, me voilà. Je n'y pensais pas. J'étais à demain à côté de toi, chez le docteur, au moment où tu t'éveilles et où l'on vient de te demander de l'argent. Mon maître, on ne sait de quoi se réjouir, ni de quoi s'affliger dans la vie. Le bien amène le mal amène le bien. Nous marchons dans la nuit, au-dessous de ce qui est écrit là-haut, également insensé dans nos souhaits, dans notre joie et dans notre affliction. Quand je pleure, je trouve souvent que je suis un sot. Et quand tu ris, je trouve encore que je suis un sot. Cependant, je ne puis m'empêcher de pleurer ni de rire, et c'est ce qui me fait enrager. J'ai 100 fois essayé. Je ne fermais pas l'œil de la nuit. Non, non, dis-moi ce que tu as essayé. De me moquer de tout. Ah, si j'avais pu y réussir. À quoi cela t'aurait-il servi? À me délivrer du souci, à n'avoir plus besoin de rien, à me rendre parfaitement maître de moi, à me trouver aussi bien la tête contre une borne, au coin de la rue, que sur un bon oreiller. Tel je suis quelquefois, mais le diable est que cela ne dure pas, et que, dur et ferme, comme un rocher dans les grandes occasions, il arrive souvent qu'une petite contradiction, une bagatelle, me défaire, c'est à se donner des soufflets. J'ai renoncé, j'ai pris le parti d'être comme je suis, et j'ai vu, en y pensant un peu, que cela revenait presque au même, en ajoutant « Qu'importe comment on soit, c'est une autre résignation, plus facile et plus commode. Plus commode, cela est sûr. »